Je respire le feu, je n'attends plus que la syncope. Depuis que je vois renflé de mon visage est informe. Triste alien, vit la déchéance d'un homme. Attendant le printemps, j'aurais fumé 80 clopes. Yeah, yeah. L'être humain m'exaspère, c'est la vie qui t'a fait tomber, mais frelon, c'est toi qui reste à terre. Je ne vois que des âmes austères, puisque le mal a tant fleuri, j'ai le même jardin que Charles Baudelaire. Les ténèbres s'installent, tu veux savoir qui je suis, faut que tu me pardonnes hier. Fêlé instable, j'ai des névroses qui feraient du tort à Lars von Trier. Double suicide, moment charnière. Pour mon salut, je n'ai pas de prière. Je ne suis pas désolé, j'ai dû pénétrer le void et mon esprit vole au-dessus de ma carcasse qu'hier. Les femmes sont presque hostiles, pas de romance quand je dabasse, c'est un exorcisme. Alter ego despotique, dans ma ville j'arrive étranger comme en Estonie. J'entends le temps qui passe quand il parle, prononce mon blaze et j'apparais comme Candyman. Pendant que tant d'histoires m'handicap, j'écoute le siège, pars en guerre comme le Scandinave. Comme le Scandinave. Comme le Scandinave. Comme le Scandinave. L'enfant n'a que faire de vos bavardages. On construit des hommes quand on passe à l'acte. Seul contre tous, c'est la voix du sage. Ils sont young forever, moi je suis Carl Gustav. Yeah. Dans ma vie, je suis antagoniste et antagoniste, je suis Anakin. Le nouvel ordre est chaotique, j'attends Apophis pour la maxime. De la cité, j'ai rêvé qu'il pleuve, j'écoute chant mongol à minuit dans le parking. Billy l'enfant fait ce qu'il peut, j'écris à l'envers sur les murs dans Shine. Planqué dans le maquis, j'ai prévenu mes ennemis, j'ai sanglier sur le totem. Nouvelle génération, porte un toast à la tyrannie, finlandais sera le cocktail. J'finirai peut-être comme Nietzsche, crucifix tête en bas devant l'hôtel. Gros j'ai la perdasse, Baphomet me fait des messes basses. Billy ne cède pas, comme le fakir sur la braise, marche. Matrixé depuis le tricycle, communiquer m'est difficile. Tu me parles de salaire à 6 chiffres, j'te parle de quête intrapsychique.